Qui t'aimera pas, déserté, c'est la haine, c'est la famille, je ne veux pas. Eh bien, pars! Carmen, je te prie. Non, je ne te veux plus. Écoute, pas, je l'ai. Amen. Adieu, mais c'est Dieu, pour je Eh bien, soit adieu, adieu pour jamais. Va-t'en, Carmen, adieu.